Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Comme nous venons de les chanter, il mérite notre louange. Il mérite nos cris de joie. Il a tout créé. Il est notre Dieu et nous lui appartenons. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le frère Sedi depuis Lubumbashi, le fils du défunt frère Eugène, m'a dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. C'est encore un jour que Dieu vient de nous donner. Nous croyons que ce jour va produire pour nous beaucoup de bénédictions. Le Seigneur est déjà parmi nous. Croyez-vous cela? Bon, on continue, non? J'ai cru que j'ai terminé hier, mais il y avait encore aujourd'hui. Alléluia. On se met debout et puis nous lisons Joël 2. Comme on était en train de parler sur la gloire de cette dernière maison, et hier nous sommes arrêtés pendant que nous montrons la restauration, la restitution. Et c'est là où nous allons marteler ce soir, sur tous les plans, évangélique et prophétique. Et nous croyons que nous allons quitter ce lieu restauré. Restauré, Dieu va restaurer nos santé. Il va restaurer nos vies. Il va restaurer tout ce qu'on a perdu. Parce qu'il est aussi le Dieu de la restauration. Et dans le camp du diable, il doit restituer. Restituer tout ce qu'il a pris dans ta vie. Le diable doit restituer. J'aimerais que cette réunion reste dans ton agenda et que tu puisses dire comme Branham l'avait dit, et dès ce moment là j'ai pris un nouveau tournant. Crois-tu que Dieu va le faire? Est-ce que tu peux dire un moment amen à cela? Personne n'est entré dans la présence de Dieu et sortir de là tel qu'il est entré. Il y a quelque chose qui va se passer. Dans Joël 2, le verset 25. Oh, j'aime cette écriture. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remplacerai les années. Miaka. Je vous remplacerai les années. Qu'on dévorait la sauterelle. Les Jelek. Les Azil. Les Gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez. Mutakula. Ça, c'est accompli. Et vous rassasierez. À cela, nous disons amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Ce soir, lui qui fait pour toi et pour moi des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous vous asseyez. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Ce soir, pas au milieu d'Israël, mais au milieu de l'église. Ah oui, il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom. Je serai au milieu d'eux. C'est le même Jésus ce soir. Et qu'il n'y en a point d'autre que je suis au milieu d'Israël. Et que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est tout ce que Dieu a mentionné dans la Bible. Nous appartient. Je suis en train d'attirer votre attention là. Tout ce que Dieu a mentionné dans sa parole nous appartient. Non, les insectes ont rongé l'arbre. Ils ont rendu la guérison. Ils ont rendu la puissance. Ils ont rendu la fertilité. Mais ils n'ont pas coupé l'arbre. L'espérance était là. Et la promesse était là. Dieu devrait restaurer. Dieu devrait ramener. Tout ce que l'église a perdu, aujourd'hui, ça retourne dans l'église. Prenez ce passage avant d'aller plus loin. Dans Genèse 20. Mwanzo makumi mbili. Le verset. Vous souvenez, on avait mentionné Sarah hier, non? Jana turi taya Sarah mnakumbu. N'est-ce pas? Jivile. Et donc écrivez Sarah. Nous sommes en direct Sarah. Écrivez Samson. En direct Samson. Et nous allons chiter par Job. C'est trois grandes images de la restauration dans l'Ancien Testament. Ils vont nous servir d'exemple pour stimuler notre foi afin que nous aussi nous expérimentons notre restauration. Ce n'est pas seulement la parole qui est restaurée. Même vos vies doivent être restaurées. Alléluia! Même vos familles, Dieu doit te restaurer. Regardez au verset 6. Dieu lui dit en songe. Vous savez l'histoire, c'est quoi? Abraham est avec Sarah. Dieu avait déjà donné la promesse à Abraham. Je reviendrai, Sarah aura un fils. Frères et sœurs, écoutez, Sarah était âgée de 90 ans. 90 ans. Mais Dieu dit juste, je reviendrai. À cette même période, la vieille Sarah là aura un fils. C'était cette promesse là étendrait en Sarah. La promesse là. Sarah qui était courbée là. La promesse a redressé l'âge. La puissance de la promesse est entrée dans le ventre de Sarah. Il a restauré Sarah. Toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Mais Dieu intervient à l'ère la plus sombre pendant qu'il n'y avait plus d'espérance. C'est là que Dieu donne la promesse. Et Sarah n'avait qu'à croire à celui qui a fait la promesse. Et la promesse en Sarah devrait faire en sorte que Sarah soit restaurée et qu'il trouve un fils. Mais dis-moi, Sarah lui-même dit, est-ce que c'est possible? Mon mari là, de Santa, est-ce qu'il aura encore des désirs? Mais la Bible dit, chose impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Est-ce que tu crois cela? Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Les questions que Sarah s'est demandées, Dieu avait déjà de... ah, c'est ça. Dieu avait déjà donné la réponse. Dans la promesse, les questions que tu te demandes ce soir, finance, travail, mariage, affaires, santé, même la maladie que les médecins ont appelée incurable là, Dieu a la réponse dans sa parole. Et Dieu dit à Abraham, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Écoutez ce que Dieu dit. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur? Église de Kambom, répondez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut étonner Dieu? Frère, nous croyons que nous avons des grands problèmes. Nous n'avons pas de grands problèmes. On a seulement un grand Dieu. Le reste, c'est petit. Dis à ton frère là. Ton problème est petit. Le Dieu qui a restauré Sarah, il est ici ce soir pour te restaurer. Il dit à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Ça t'a étonné peut-être. Si nous bien kushangai cha Tanzania. Je vais te surprendre. Mais mita kushitusha. Si tu es ici, ton mari est resté à la maison. Kama uko hapa bwanako abakia kunyumba. Et que vous avez des problèmes dans votre maison. Na munyumba ni mamambo. Tu vas lui dire ceci ce soir. Utamwambia hivi mangari. Frère Jean Munde qui a dit. Frère Jean Munde qui a sema. Notre problème est petit. Mambo yetu ni kaloko. Frère, la foi, Imani, c'est une ferme assurance des Ngoku, choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, Imani, c'est le regard à l'invisible. Répète cela. La foi, Imani, c'est la troisième main qui entre au ciel dans le dépôt de Dieu et récupère ce que tu as fait. Alors que les choses visibles nous découragent, l'apôtre Paul dit, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ici présent, il y a Jésus, mais il est invisible. Mais crois d'abord qu'il est là. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici présent, il y a Jésus, mais il est invisible. Mais crois qu'il est là. Mais et dans l'invisible, il entre sa main, ta solution. Il a ta solution. Regardez. Avant de détailler la chose ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Et tout pas moi. C'est le regard à quoi? À l'invisible. Oui, Dieu va aider quelqu'un ce soir. Ils arrivent devant la mer rouge. La mer rouge. Devant eux. Derrière eux, c'était Pharaon. Venez quoi, Pharaon, aranza kuya. C'était Pharaon. Venez quoi, Pharaon. C'était Pharaon. Quoi, Pharaon. Qui venait avec son armée. Aranza kwa na jesi yake yote. À côté gauche droite. Gauche droite. C'était que des collines. Vous allez mamilima. Alors Moïse, Moussa, le peuple dit à Moïse. Pourquoi tu nous as fait tirer? Tu nous as amené ici pour nous tuer. Et Moïse aussi a eu peur. Parce qu'il était un homme. Il a commencé à crier. Et Dieu dit à Moïse. Toi aussi Moïse. Mais pourquoi crie-tu? Quand tu écoutais la révélation. Lorsque Moïse a commencé à parler avec Dieu. Il a ôté ses regards aux choses visibles. À Pharaon, à la mer, aux montagnes, il a regardé dans l'invisible, là où était Dieu, et la délivrance, na ukombozi, il a eu la force, na et puis il a dit à ses peuples, regardez ces égyptiens, regardez les biens, c'est moi qui vous dis, ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez jamais, mais dis-moi Moïse, où est-ce que tu as eu la foi, j'ai regardé dans l'invisible, j'aimerais dire à quelqu'un, dans l'invisible, il y a ta guérison, il y a ta délivrance, il y a ton salut, il y a ton pardon, la réponse à la question que tu as, se trouve ce soir dans l'invisible. Maintenant la foi prend la chose. Regardez. Dieu dit Abraham. Y a-t-il quelque chose d'étonnant là-bas? Et tu qui t'as changé chaque fois dans bon, d'abord l'écriture que nous allons lire. C'est chez Abimelech. Ni coule quoi Abimelech? Mais j'aimerais avant d'arriver ici. J'aimerais bien bouger votre foi. Parce que nous allons arriver ici. D'abord t'as fait quoi? Pendant que Dieu est en train de nous restaurer. Quand il est mungu est turudisha. Ici Dieu dit Abimelech. Mungu ambi Abimelech. Restitue la femme de cet homme. Oui, rudisha baby babini. Retenez ça. Restitue. Rudisha. Faire retourner au propriétaire originel. Rudisha kwa mwenye nacho bya kweli. Ya, donc tu as pris Woribeba. Ce qui ne t'appartient pas. Akikwe kyako. Et tu as donné Sasa, ce qui ne lui appartient pas. Kila kikwe kyake. Oh, cette maladie que tu as là. Ile magonjo kunayo. Ne t'appartient pas. Aina yako. Ça ne t'appartient pas. Aina yako. Hein? C'est ma maladie qui va me tuer. Non. C'est pas ta maladie. Ce soir, on va juste ramener ça à son propriétaire. Et lui va ramener notre santé. Est-ce que quelqu'un peut peux dire amen à cela. Car tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord. Croyez que Dieu existe. Frère, Dieu existe. Croyez d'abord. Regardez ce que l'apôtre Paul dit d'Abraham ici. Abana Petro, Paulo. Romains 4. Verset 17. Je vous attends tous. Il y a une puissance dans ce texte. Dans ce texte. Frère, est-ce que vous avez bien? Ok. Je t'ai établi père de grand nombre de nations. Abraham est notre père devant celui qui l'a cru. Dieu qui donne la vie même aux morts. Je relis cette phrase. Dieu qui donne la vie aux morts. Écoutez. Dieu ne se limite pas à guérir. Nous croyons à un Dieu au-delà de la guérison du corps. Il peut donner la vie aux morts. Combien le croyez? Et Dieu qui donne vie aux morts, n'est-ce pas? Il était entre la Russie et la Finlande. William Marion Branham. Il y avait un accident mortel qui venait de se produire là. Un petit garçon venait d'être dépiécé. Pas seulement mort, mais dépiécé. Frère Branham sort de la voiture. Il ne voulait pas voir. Il a regardé seulement. Il a eu des frissons. La main du Seigneur lui touche. C'est ce que je t'avais montré à vision. Ne retourne pas. À l'instant là même, l'onction est descendue. Ce n'était plus l'homme Branham dans l'œuvre. C'était Christ en Branham. Ce soir, ne regarde pas Jean Mundeke. Regarde que Jésus-Christ te parle. Alléluia. Et Branham dit à ces gens-là, si cet enfant dépiécé, revient à la vie, est-ce que vous croiriez? Il dit non. S'il était mort, d'accord, mais dépiécé, mais chose impossible aux hommes. Ce qui étonne les hommes, frère, ça ne donne pas Dieu. Il dit éloignez-vous un peu. Il a prié. Petit enfant, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, reviens à la vie. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Les organes de l'enfant, aux yeux du monde, ont commencé à se rapprocher comme des léments. Et les organes se sont tissés, le sang disparaît, le petit s'est levé. Tout le monde a pris fuite. Les soldats russes qui étaient là, ils avaient des soldats russes, ils étaient troublés, ils ont regardé Branham et tous ils ont salué. Ils ont dit, un Dieu comme ça, nous allons adorer. Un Dieu comme ça, qui donne la vie au monde, frère, nous allons adorer. Pas seulement qui guérit. Oh, j'aimerais attendre la main de quelqu'un. Pas un amen de la foi. Pas seulement un Dieu qui guérit, mais un Dieu qui ressuscite. C'est la restauration. Crois qu'il va te restaurer. Deux exemples. Le Dieu qui donne la vie au monde. Pas seulement chez Branham. Nous sommes dans Acte 20. Pendant que le peuple prenait la Sainte Seine, Paul a prêché beaucoup. Un frère du nom de Titus, il était à la fenêtre. Il dormait. Il partait. Et il est mort. L'apôtre est descendu. Il a dit, Asema. Il a prié pour lui. Anamombea. Il a dit, ne vous en faites pas. Retournons à l'église pour aller continuer le repas du Seigneur. Les frères vont nous rejoindre. Branham dit, ce n'était pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Même ce soir, le Saint-Esprit peut travailler. Pour le mort, Branham est mort, mais Jésus-Christ, il est vivant. Il dit, ne vous en faites pas. Les frères vont nous rejoindre. Pour les rendre, prenons même le frère Ngoï. Il est rendu, il a continué la prédication normale. Et à un instant, le diacre signale Paul. Frère Paul, le frère qui dit ça a ressuscité. Il dit, je le savais. Parce que nous croyons en Dieu qui ne guérit pas seulement, mais Dieu qui donne la vie au mort. Pas seulement chez Paul. Retournons maintenant à l'auteur de l'histoire. Jésus-Christ. Alors que Lazare, il venait de faire 3-4 jours, il sentait déjà, il pourrissait déjà, il était empaumé, mais l'empaumation n'avait rien fait. Il était bandé, enterré. Et lorsque Marthe a appris que Jésus venait, il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, crois-moi, Marthe, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je sais. À la dernière. Il dit, nous sommes habitués maintenant. Je parle. Toi aussi, tu parles. Je n'ai pas dit à la dernière résurrection. Regarde-moi, femme. Je suis maintenant ici. La résurrection est la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Où l'avez-vous mis? Oh, il sent déjà. Je n'ai pas demandé. Il sent. Oui, ne sent pas. Daniel. Oh. Oh, Daniel. Daniel dit à Babylone. Babylone. Dans les cieux, il y a un Dieu. C'est Kumbingu. Qui renverse et qui établit le roi. Il change les temps et les circonstances. Dieu peut le faire. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je prie pour toi ce soir dans le culte d'aujourd'hui que Dieu change les temps et les circonstances. Que ce qui te dépasse, que Jésus t'a laissé cela. Toi dis cela. Où l'avez-vous mis? Non, Seigneur, il sait déjà. Je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé, amenez-moi au cimetière. Tous les pharisiens étaient déjà. On va voir. Il y a des jours, il a résisté la fille de Jaïr. D'ailleurs, on avait des doutes. Cette fille, elle venait à peine de mourir. Peut-être qu'il a juste touché quelque part. Mais celui-ci, celui-ci, Ouyou. Nous sommes témoins. Il sent déjà. Frère, Dieu n'est pas seulement guérisseur. Je répète, Dieu est créateur. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Il est ici ce soir pour restaurer, restituer, ramener tout ce que l'ennemi t'a pris. Il arrive là-bas. Il dit, ôtez la pierre. Oh Seigneur, ôtez la pierre. Branham définit la pierre comme l'incrédulité. Les doutes. Chaka. Les questions Maulizo, que tu te poses. Il dit, ôtez la pierre. J'ai dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et on ôtait la pierre. Il pria. Je suis déjà 11. Écoutez la prière de Jésus. Je te loue, Père. Parce que tu m'as exaucé. Je te loue encore. Parce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié pour que ces gens sachent que tu m'as exaucé. Une prière miracle. Une prière. prière qui n'était pas une requête, mais une action de grâce devant un miracle. Bien aimé, avant ta prière, ce soir Dieu t'a exaucé. Nous ne pouvons que dire, nous te louons Dieu d'avoir exaucé cette soeur. Elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup pleuré, ses frères ont beaucoup souffert, il a beaucoup pleuré. Maintenant nous te remercions de ce que tu lui as exaucé. Alléluia. Amen. Et puis il dit, qui ça n'a c'est démon, mais c'est mon bim. Il n'a pas dit esprit rendre. Oh Rudia, ça revient. Damurudia, intelligence vient. Akiri Rudia, vision revenait. Bonakurudia, muscle bouche. Il est créateur. La Bible dit que toute la terre crée le Seigneur. Psaume 33, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il n'a pas expliqué. Il a dit. Lazare, son toca. Branham dit, oh là là, que quelqu'un dise amen d'abord. Encore plus fort. Frère Branham dit, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, toutes les tombes là, papa, s'il allait seulement dire mort ressuscité, c'est tous les morts qui allaient ressusciter, parce que une parole de Dieu peut dégager 10 000 situations. Combien croit cela? Mais il a précisé Lazare. Les deux mots. Les deux mots là. Avant qu'il ne termine sort, l'esprit était revenu. La pourriture disparut. Les yeux sont revenus. Le cerveau pourri est revenu. La peau pourrie est revenue. C'était la restauration de Lazare. Que Dieu le fasse ce soir. Dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et Lazare qui pourrissait déjà, quel miracle, quel miracle. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Lazare sort. Ce qui m'étonne, dans la tombe, il n'y avait personne pour soulever le corps et l'amener dehors. Il était bandé. Des cheveux jusqu'aux pieds. Il était banni. Mais les démons là avaient aussi la puissance de soulever le corps et d'amener le corps dehors. La parole de Dieu puissante, la parole de Dieu efficace, la parole de Dieu créatrice. Dans la parole de Dieu, il y a les pièces de rechange de ton corps. Je ne t'ai pas senti. J'ai dit ceci. Dans la parole de Dieu, il y a les pièces de rechange de ton corps. Si tu le crois, dis amen. Et que cela te soit fait au nom de Jésus. Là où il y a le poumon endommagé, réendommagé, que Dieu, dans son hôpital, il opère miraculeusement. Le docteur Jésus, invisible, sa cicatrice, il remplace les pièces. Tout est possible à Dieu. L'apôtre Paul dit à un Dieu, qui donne la vie aux morts. Un Dieu comme ça, nous allons adorer. Un Dieu comme ça, nous allons prêcher. Un Dieu comme ça, nous ne voulons pas seulement l'attendre. Un Dieu comme ça, nous voulons le voir. Combien veulent le voir ce soir? Ah oui, comme tu as levé la main, il va se laisser voir à toi. Vous voyez, frère? Verset 18. Espéra contre toute espérance. Il crie et devient père de grand nombre de nations. C'est ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Et sans faiblir dans la foi, alléluia. Amen. Regardez, il ne considérant point que son corps était déjà usé. les yeux de la foi. Macho imani. Il ne regarde plus à son état. Ashikwangalia kuangalia kwa hali yake. Il ne considère plus que son corps. Ashikwangalia kusema etaisé. Mwili yake kwesha kualabika, kesha kuchoka, kesha kuzeka. Mais il crie Dieu. Mais la kina muamini Mungu. Ça faiblit dans la foi. Bila kuchoka katika imani. Il ne regarde même pas ça. Ashikwangalia hata kwa sala. La verset 20. Il ne doute pas par la divinité. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il suffit fortifié par la foi. Nguvu kupitia imani. Kurudisha utukufu kwa Mungu. Mwenye kuya na atikisho tele. Que ce que Dieu a promis. Mungu alilaka. Il peut aussi. Anaweza tena. L'accomplir. J'ai chanté une chanson. Si Dieu a promis, il va accomplir. Qui a écouté cette chanson? Ah, Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux. Amen. Si Dieu a promis, il va accomplir. Si Dieu a promis, il va le faire. Mon devoir, c'est de croire. Et lui va faire sa part. Fait, Dieu ne peut pas laisser sa parole sans accomplir son effet. Non. Apana. Il est, je vous ai dit hier, il est responsable de sa parole. Nous aussi, nous croyons un Dieu qui peut donner la vie au monde. Il va le faire ce soir. Oubliez la maison. Sabwa nyumba. Oubliez les dettes d'abord. Sabwa ile mandeni kunayo. Oubliez ce que les médecins disent. Sabwa bile ba munganga bali kuambia. Ce sont des maçons. Ni bongo. La Bible dit. Biblia asema que tout homme, mutu yote, soit reconnu. Ayulikane. Comme menteur. Sa mudanganifu wa bongo. Grand petit qu'il soit. Mutoto mukubwa akwe nani. Si c'est un homme. Kama ni muntu ni analandaka. Mais Dieu. Mais Mungu. Est vrai. Ni wabia kweli. Voyez frère, la main est faible même. Amen, kuchini sana. Dieu est vrai, tu dis amen. Mungu nabia kona sema amen. Même Satan s'étonne. Hata shetani chena kushanga. Parce que Satan croit. Hapo shetani anaamini. Et il a peur. Na yako na boka. La Bible dit les démons croient. C'est ma démon inaamini. Et ils ont peur. Mais beko nabeko ngopa. Mais seulement ils n'ont pas la foi comme nous. Ça abana tuna imani sasa. Nous notre foi amen. Si imani yetu na mbebaka Mungu. En réalité. Na kwa bia kweli. Voyez frère. Unaona nduku. La parole Neno. A redressé Sarah. Et mon nyolosha Sarah. Ah. Comme nyolosha. Comme nyolosha. La parole lui a redressé. Neno amungu mnyolosha Sarah. Redressé Sarah. Amurudisha na shimama mzuri. De 90 ans. Alikuwa anaisha kuzeka. La restauration. Ukurudishwa. Lui a ramené. Na bebe amurudisha. Les années de sa jeunesse. Miaka ya buyana bwaki. Avec Dieu il n'y a pas de trop tard. Mungu akukaregesa ya kupita. Non, les autres me regardent mais ça ne me pénètre pas. J'ai dit avec Dieu il n'y a pas de trop tard. Mungu wakati aikalaki ya kupita. Si les hommes t'ont dit trop tard. Na bato ambesa kunaisha hapa. Si il n'y a pas de trop tard. Hapa hapa kuyaisha. Na nonanda Sara tapata mimba. Parce que Dieu restaure. Mungu anarudisha. Dieu restaure. Mungu anarudisha. La restauration a lieu. Kurudisha kurfanika. De 90 ans. 90 ans. Quel 90 ans. Mungu kani wa damani. Mungu kani wa damani. Quel Dieu merveilleux. Mungu kani wa damani. Il a fallu que Dieu veille. Fazali Mungu akeshe. Afin que l'année prochaine. Kusudi mwaka ilifatayo. À la même époque. Wakati mmoja. Sarah ebe. Sarah akona mtoto mikono. C'est maintenant Dieu dans l'œuvre. Kwani Mungu katika tendo sasa. Ce n'était plus Sarah. Aikwe Sarah. C'est Dieu qui travaille. Mungu sasa anaanza kutumika. Ce soir ce n'est plus ton tour. Il aina mambo yako aina kazi yako. C'est Dieu qui travaille. Ni Mungu ndio anatumika. Paul lorsque Sarah a l'été. Mungu akasema wakati Sarah anza kunyonyesha mtoto. Il a dit ceci. Anasema hivi. Dieu m'a fait rire. Mungu anenichekesha. C'est dans Genèse 22. Ni mwanzo makumi mbili na mbili. Dieu m'a fait rire. Mungu anenichekesha. Quiconque apprendra ça. Ule wote atashikia hii habari. Viens avec moi. Atacheka na mie. Dieu te fasse rire. Akuchekeshe kona wewe. Alléluia. Amen. Psaume dit. Zaburi yasema. Réjouis-nous. Utufurahishe. Autant d'années tu nous as humiliés. Mwile mawakati utufezeresha. Ainsi soit-il dans ta vie. Na kama ikuwa vile maisha. Autant d'années tu as pleuré. Hii makati yote ulilia. Que le Dieu qui restaure. Mungu ule narudisha. Qui te restaure. Et que tu dis comme ça, Sara, Dieu m'a fait un sujet de rire. Mungu alifanya kwa jina achekeleyo. Qui t'a dit qu'on doit avoir des stériles ici? Non, nous avons la promesse. Au milieu de vous, il n'y aura ni stérile, ni de grossesse avortée. Ce sont des démons que nous allons chasser. Et à vous, mes sœurs qui avez besoin de la foi, Dieu est réel. On va prier pour vous. Vous allez concevoir. L'année prochaine, je reviendrai ici. Tu auras un témoignage. Branham dit, si Dieu ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ok, notre Dieu, nous avons des preuves. Pasteur, Pasteur Ngoyi, un jour je prêche le frère Ado. Chamalali. Je ne le savais pas. Dans la réunion, il y avait un enfant sans sexe. On l'avait amené pour prier. Mais moi, je ne savais pas. Je n'avais même pas dit aux gens, je vais prier pour les gens. Je prêchais normal comme ça. La maman de l'enfant là où elle était, elle disait, Seigneur, je crois, tu es créateur. Seigneur, je crois, tu es créateur. J'ai dit à l'assemblée, mettez-vous debout, je vais prier. La maman a mis la foi en évidence. Il dit, Seigneur, la prière du frère Jean là, crée ici. Pendant que je priais, le sexe féminin s'est créé. Ce n'est pas de l'histoire. Lubumba, si c'est fait, Rado. Dieu l'a fait, il peut le refaire encore. Nous ne sommes pas des magiciens pour vous dire nous avons une spécialité. Non, notre spécialité, c'est Golgotha. Et le nom qui nous guérit, c'est Jésus-Christ. Les choses sont disponibles seulement si tu crois et si tu acceptes que Dieu peut les faire. Mais moi je crois que Dieu peut les faire. Et moi je ne savais pas. Je vis, il y avait des cris. Bon, je suis habitué parfois. J'ai continué les cris. Je suis allé dans les bureaux. Et le frère Adam me dit, est-ce que tu sais ce qui vient de se passer? J'ai dit, ah bon? J'ai dit, gloire à Dieu. Je ne suis qu'un instrument inutile. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui va faire. Est-ce que tu crois que Dieu va faire? La parole a redressé Sarah. Restauration de 90 ans. Restauration jusqu'à l'âge de fleurs. Je peux exagérer. Elle pouvait voir même ses cycles mensuels. Parce que Dieu, il est paradoxal. Branham commente. Il commente. Il met des commentaires. Il dit, on peut voir Abraham au marché. C'est parce qu'on a Abraham au soko. Aller acheter des layettes. C'est arrêter d'accuser mangoua bébé. Oh, dis-moi, mais Abraham. C'est Abraham. Tu achètes des layettes? Où qu'on ose mangoua bébé? C'est pour mirage. Ni anani. C'est pour mon fils. Saint Jean te tangue à ta zali. Abraham. Abraham. Tu es devenu fou. Il dit non. C'est pas moi. Il y a un qui ne m'a jamais. Monte moi à Shilandaki. Je le récite chez moi. Lui là qui ne m'a pas, il m'a dit, il reviendra. Ma femme ici, un fils. Moi je ne réfléchis pas. Il tiendra sa parole. Je ne fais qu'acheter l'habit de la femme. Mais comment tu achètes les habits d'un garçon? Tu n'es même pas allé à l'échographie. Je n'ai pas besoin d'aller à l'échographie. Lui a dit à ma femme, tu auras un fils. Ça ne sera pas une fille. Si Dieu a dit un fils, c'est un fils. Alors, nous arrivons ici. La promesse, écoutez, à Sarah était la garantie d'une protection de toute sa vie. Il quoi? Ça ne nous a pas pénétré. Je répète cela. La promesse en Sarah Ndani. Ndani ya Sara. Parce qu'elle était porteur d'une promesse. C'était l'assurance de la protection de toute sa vie. Monter en esprit, comprenez. Dieu était obligé de garder Sara. Parce qu'il y avait la promesse. Ndani yake rien ne devrait lui arriver avant que la promesse soit accomplie. Amen. Qui comprend ça? Donc, comme Dieu avait dit Sarah, tu étais obligé de veiller même s'il n'est pas de Sarah. L'ennemi vient attaquer Sarah. Sarah d'abord, non. Elle a la promesse. Vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. On arrive. Tout la fika. Là-bas, Mbujimaï, il y a des diamants. Pour ma diamant. N'est-ce pas? Jovi. Si les diamantaires ont volé les diamants, ils prennent un petit diamant comme ça. Il dit, bon, on va sacrifier quelqu'un. Toi, toi, oui, tu avales notre diamant. Mais ça est diamant. Jusqu'à ce qu'on traverse. Frère. Donc, cet homme devait la protection de tout le monde. On va les checker partout. Vous n'avez pas volé le diamant, non, non. Cependant, il y a un qui a déjà avalé. Cet homme, même s'il va à la toilette, ses amis seront là. Papa, on va te protéger jusqu'à nous-mêmes. Sois spirituel. Pourquoi? Qui comprend déjà ce que je veux dire? Il devait le protéger à cause du trésor qu'il a avalé. Frère, la promesse que Dieu nous a donnée, c'est un trésor à nous. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu marches au travail, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. À cause du trésor. Et ici, Abraham arrive là-bas. Abraham a fait qu'à face moi. C'est ta femme, c'est ta sœur. Ni bibia qu'on t'a d'accord. Ah. C'est ma sœur. Dadangu, Ndukuyangu. Tu veux la dot? Si on appelle tout patia mari. Oui. Ni au moins t'es mari. Madame patia mari. Anabeba na weka. Je vous bénis. Allez. Mais Mbari qui m'aide. Il a menti, non? Shailanda. Il a pris l'argent. Sa femme est partie. Mais Dieu n'a pas vu ça. Branham dit, lorsque le témoignage d'Abraham a été écrit par Paul, Dieu n'a pas permis que les erreurs d'Abraham soient écrites pour notre édification. Oh là là! Quand Dieu t'aime, il t'aime pour le temps et pour l'éternité. Maintenant, Sasa, comme Sarah avait les trésors, Sarah, comme il avait la promesse, Sasa, comme il était le bien d'Abraham, il était la propriété d'Abraham. Ibrahim. Dieu ne pouvait pas permettre que les circoncis d'Abimelech suivent la femme de son prophète. Alors qu'ils étaient au lit, Abimelech avait déjà payé la dot. Il voulait juste aller sur. Dieu tout. Ici, tu n'entres pas. C'est pourquoi, Seigneur? Cette femme, c'est un bibi, bien de l'autre. Mais Seigneur, il m'a pas dit ça. Il dit, je sais. Ce que tu dois faire, restitue. Lisons maintenant. Genèse 20, verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Ainsi, je t'empêche de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme. Maintenant, restitue. Soyez attentif. Je lis, frère Branham. Maintenant, regardez-moi. Maintenant, restitue. C'est un bien d'autrui. Ni mali ya benyewe. Laisse-moi te dire que le diable était menteur. Acha nikwambia sasa shetani mudanganifu. Ni wabongo. Un grand menteur. Mudanganifu kabisa. Il t'a menti. Alikulanda. Qu'il va te tuer. Yosema atakuwa. Il va pas te tuer. Aistakuwa. C'est un menteur. Ni mudanganifu kubongo. C'est un menteur. Ni wabongo. Amen. Il a pris ta santé. Anaiba afya njema yako. Il t'a donné la mauvaise santé. Anakupatia afya mubaya. Un menteur. Mudanganifu. Il a pris tes privilèges. Il t'a donné les choses qui ne t'appartiennent pas. Un menteur. Mudanganifu. Et maintenant, il doit retourner. Anapasha kurudia. Il doit restituer. Anapasha kurudisha. Il doit restituer. Anapasha kurudisha. Paragraphe 97. La restitution de l'arbre de l'épouse. Kurudisha kwa bibi aru, kwa muti bibi arusi. Qu'est-ce que c'est? Ninin. Faire valoir. Kufanya. Rala. Kurudisha. Vous voyez? C'est non. Ça. Il est question de restituer là. Apa ni mambo ya kumurudisha. Ramène là. Umurudisha à son propriétaire kwa légitime. Mwenye mali. Branham dit ceci. Maman, c'est maïf. Écoutez. Église de Kambo. Karisa Kambo. Si Satan. Kama Shetan. Vous a dérobé le privilège d'être un fils de Dieu. Arminyanganya ile kuya butoto wa Mungu. Nous avons le droit. Shetuna rusa. Ce soir. Imangaribi. Par le Saint-Esprit. Yarom takatifu. De le faire valoir les droits de Dieu. Yakusema. Apate kujua alali ya Mungu. Et ramener les. Na kumurudisha. Si Kam. Il vous a affligé et il vous a rendu malade, nous avons le droit devant Dieu de faire appliquer la loi de Dieu que par ses maîtrises nous avons déjà été guéris. Ramène la santé. Samson ne restera pas aveugle pour toujours. Samson ne sera pas aveugle pour toujours. C'est vrai, il a péché. C'est vrai, il a désobéi. C'est vrai, il a été dépouillé. Mais Dieu ne lui a pas oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, Samson a péché. C'est vrai, il a désobéi. C'est vrai, ses yeux sont troués. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Chaque chose a son temps. Il a beaucoup souffert. Il a été humilié beaucoup. Même devant Dagon. Et il a dit, Dieu, tu as vu tout ça. Tu as vu tout ça. Je ne peux pas rester comme ça. Encore une fois, Seigneur. Écoute ma voix. Restaure-moi. Ramène-moi ma force. Et Dieu est riche en miséricorde. Il n'a pas fermé ses oreilles. Il a restauré Samson. Que ce Dieu-là. Que ce Dieu-là. Riche en miséricorde, se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il te restaure ta santé, ta force, tout ce que l'ennemi t'a pris. Sois restauré. Il dit, Seigneur, ne m'oublie pas. J'ai été humilié. J'ai été dépouillé. On m'a troué mes yeux. D'accord, c'est série de moi. Si humilié, j'ai accepté. Et si péché, j'assume. Mais je reste cet office. Souviens-toi de moi. Et le temps de la restauration. Samson a touché la tête. Il l'a senti. Dieu l'a pardonné. Le chevet repousse encore. Alléluia. Et il dit au jeune garçon, je sens quelque chose. Moi aussi ce soir, je sens quelque chose. Jésus-Christ est là. Pour toi. Il est ici ce soir. Il dit aux jeunes garçons, amène-moi aux deux colonnes. Qui soutient cette maison? Ce peuple va voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ce qu'ils ont vu pendant ma vie, ce n'est rien. Aujourd'hui, là, on finit avec eux. Tout le monde criait. Dagon. Il y avait un serviteur de Jéhovah. Oui, il était dépouillé. Mais il n'était pas oublié. Mais Frère Dieu n'a pas oublié. Mungu ashakusabwa. Frère Dieu n'a pas oublié. Mungu ashakusabwa. Quel est Dieu? Ule Mungu. Ah, Dieu, je suis sous l'esprit. Niko chini ya Quel est Dieu? Ule Mungu. Qui s'est souvenu de Samson? Qui a instauré Samson? Ule Samson. Par cette prédication. Qui se souvient de toi? Et qui t'a restauré? Toi restauré. Il arrive là. Anafika pale. Il dit au jeune homme. Ambia kiana. Sors. Toka. Parce que quelque chose va se passer. Mambo mwana fofanshika hapa. Il dit mets-moi aux deux colonnes. Asema uondo kanyenge pale pa makuta mbili katikati. Les deux colonnes qui soutient cette maison. Ile makuta mbili na simamisha nyumba. Et il a dit Seigneur. Nasema Bwana. Merci. Accenté. De se souvenir de quoi moi. Kumbuka, aujourd'hui, hein, Léo, je meurs avec le nous kufa na wa Philistia. Le roi était là. Mufana la reine était là. Le moule, était là. Prince le moule, était là. Wa Samson, moule, armée, Samson bila sa machette. Bila kipanga. Dieu lui a ramené ses forces. Et il a secoué la maison. A tout le monde le regardait. C'était la restauration. C'est la restauration. Il a terrassé Anangusha. Et toute la maison na yote, est tombée sur le roi, la reine Mwalikia, et sur Dagon et tous pays. Bote, frère, quand Dieu restaure, c'est à double portion. Ni mara miri uwezo. Et il était l'image de l'église. Na alikuwa picha ya kanisa. L'église était de pied. Kanisa ilikuwa yenye kuvulwa. Mais maintenant nous sommes en Christ. Mais hapa tuko naenda kurudishwa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anasema amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anasema utukufu wa Mungu. Non, un bon gloire à Dieu. Utukufu wa Mungu ya mzuri. Terminons avec Job. Tumalize na Yobo. Oh frère. Onduku. Cet homme Job. Umutu wa Yobo. Il était riche. Alikuwa mtajiri. Il possédait toutes choses. Alikuwa na vitu vyote. Il était dans l'abondance. Alikuwa katika utele. Mais un jour. Mais lakini siku moja. Dieu. Mungu. Faisait son conseil. Satan qui ne t'aime pas. Mukusaniko, Satan est stupende. Satan ne nous aime pas. Satan est stupende. Mais malgré qu'il ne nous aime pas. Atabla stupende. On s'en fout. Ah, touche tout que. L'amour de Dieu dépasse la haine. Ma pende à Mungu na shindia le chuki kuna Shetani. Si Dieu même ça me suit. Kama Mungu analipenda hile nenyenea. Si Satan même pas. Kama Shetani asinipende ni mambo yake. L'amour de Dieu me suit. Ma pende à Mungu inanitosha inenyenea. Il arrive au ciel. Afika kumbingu. Le Seigneur lui demande. Bwana anamuuliza. D'où viens-tu? Unatokea wapi? Je viens. Mianda tu kuzunguluka zungua kwa waya. As-tu vu mon serviteur Job? Et uliona comme tu bishangu Job? Oui, je l'ai vu. Ndio nimeona. Tu as vu comment il prospère? C'est unaona vile kunaendelea. Frère, la prospérité. C'est pas maendeleo. Vient de Dieu. Inatokea kwa Mungu. Que Dieu te l'accorde. Mungu akupatie maendeleo. Hein? Ndio. Prospère. Endelea. À tous les plans. Mumangambo yote, mambo yote, mukifeza. Spirituel. Mukiro. Prospère. Endelea. Ne sois pas mendiant. Apana kwa kulomba lomba. Que Dieu te donne ce que tu veux. Mungu akupatie bila unataka. Hallelujah. Amen. Il dit non. Ça c'est ma panne. Si il est comme ça. Kama iko kileko. Parce que tu le gardes. Ninjou na muchunga. Ça m'a mis. Bila nchekeshaka. Ça veut dire. Usema. Satan ne peut pas te toucher. Shetan hawezi kugusa. Si Dieu ne lui a pas. Kama Mungu ashampatia ruhusa kugusa. Non, je ne vous sais pas vous. Mishi mishikie. Je répète. Mina sema tena. Satan ne peut pas. Satan ana naweza kukubamba. Si Dieu ne lui a pas. Kama Mungu ashampatia ruhusa kushika. Il n'a pas ça. Ana na ile uwezo. La Bible dit. Bila sema. Celui qui est à vous. Ule kondani yenu. Il est plus grand. Yeko mkubwa. Celui qui est dans le monde. Ule kwa mdunia. Si dans cela. Yule aile. Celui qui vous garde. Yule anachunga. Ni sommeil. Aso abungi lake. Alalake. Si il est comme ça. Kama niko vile. Parce que tu le gardes. Ah, passe Dieu na muchunga. Permet. Uniruhusu tu. Permet. Unipatie ruhusa. Que je touche. Ni gusi. Touche. Asema wewe ndo kama mimi. Mimi ne touche pas son âme. Mais nafsi yake ushiguse. Dieu lui a donné même les limites. Mungu anampatia na mipaka. Touche. Wende kamubambe, wende kuwa batoto yake. Haua bangombe yake. Beba nchoma manyumba yake. Batumisha yake bauwe. Périsse son argent. Potesha makuta yake. Tout Congo bien de ce qui aime Dieu. Bila wote binafika vizuri jua kwa wale wapenda Mungu. Potesha désastre. La bisha. Je te permets désastre. La bisha, la bisha. Na mwili yake gusa. Frappe-lui par la maladie. Pique na magonjwa. Mimi ne touche pas son âme. Mais lakini nafsi yake shipime kugusa. Job ne le savait pas, hein? Yo bashkuyu, hein? Au ciel. Kumbingu. Ça t'a dit aujourd'hui. C'est anasema leo njo leo. Il est descendu. Anashuka. Job était chez lui. Yo bariko tu kwake. Les nouvelles commencent à venir comme. Habari inaanza kwa sa mvula. Nous étions quelque part. Tu crois face fulani? La maison est tombée. Nyumba ranguka. Toutes tes affaires sont mortes. Batoto kwa bote anakufa. Mina toka mtu mwenyewe. Njoo kupatia habari. Tu crois face fulani? Batoto kwa bote. Anakufa kwa mwenyewe. Njoo kwambia. Baba shamba anakuya. Kula kwa mpepo mkubwa. Toutes tes affaires sont mortes. Mambo yako yanakufa. Mina toka mimi mwenyewe. Ta maison brûlée. Nyumba yako inalungua. Il veut craquer. Fait Job anafia sanguke. Il veut craquer. Arfia sanguke. Il s'assoit au sol. Anekalachini. Il dit, j'ai sorti de la maison du vent de ma mère. Nilitoka mtumbo mamangu tupu. Je vais rentrer. Nantarudia mon tupu. Le Seigneur a donné. Bwana alileta. C'est fort, hein. Niliko bya nguvu. Hein? Bya nguvu. Ni msemea mu Kristo. Le Seigneur a donné. Anasema Bwana ndio alinipatia. Bwana ndio alinibeba hiyo. Jina lake lisifiwe. C'était pas rien. Haikukua mkucheka. Ilikuwa na machozi kunatoka. Mabari kuna toka mangambo yote. Dans une journée. Mushiku moya. Il a tout perdu. Job anapoteza biote, biote. Regarde ce que tu es. Gare kile wiko. Et Job. Na Yobu. Tu vois comment toi tu es bien? On a vu le woku go bien. Hein? Junona. Dans une journée. Mushiku moya. Batoto yake wote wanakufa. Toutes ses enfants. Batoto yake wote décédés. Les six enfants sont décédés. Mon maison que zote zinakufa. Sont partis. Son champ brûlé. Sa maison tombée biote. Il s'assoit par terre. Aneka la chini. Il ne comprend rien. Achelé au kintu. Achelé au kintu. Achelé au kintu. Achelé au kintu. Le Seigneur a donné. C'est bon, Nanjo Arinipatia. Il a repris. Nane Bibeba. Je suis resté seul. Mina Bakia Mimoya. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. Deux jours. Mashiku mbi. Maladie commence. Magonjwa inaanza. Son corps attaqué. Mwili yake. Par l'autorisation de Dieu. Kupitia ruhusa ile Mungu alileta. Les plaies commencent à pousser. Bilonda binaanza kutoka pa maungu. Il n'arrive plus à porter les habits, il la lève. Asifika tamu kuvana mangua, anatosha mabazi, anekala mu majifu. Il dit, si je parle, vous allez m'écouter. Ase kama mina sema, eti mtenishikia. Moi aussi j'étais comme vous. Na mie nilikuwa samweye. Mais Dieu m'a frappé. Mais Mungu ananipika. Sa femme lui dit, mais toi aussi. Yega ambasa, we na weye. Et s'il te Dieu. Chumu, tukane tu Mungu. Na ukufwe. Job n'a pas dit. Job asikuseme. N'a même pas insulté sa femme. Il a dit, tu parles comme une femme sensée. Mungu nasema, sa mwanamke. Parce que la Bible dit, il ne parle à te. Ole, inagusaka zaidi. Mara mingi benye haki. Mais ce qui me Wamilele, toujours anebaokoka paka na imagharibi amini Mungu atakokoa. Il est resté là. Anabakia pale. Sa femme a parlé. Bibi yake anasema. Ça n'a rien changé. Abikumbadilisha kitu. Ses amis ont parlé. Marafiki yake banakuwa anasema. Ça n'a rien changé. Akubadilike. Lui même a parlé. Yeye mwenyewe anasema. Ça n'a rien changé. Hakuna mabadiliko. Il a même maudit le jour de sa naissance. Analani na siku alizaliko. Ça n'a rien changé. Abikubadilisha kitu. Il a pleuré jour et nuit. Anaria mushiku la mchana. Ça n'a rien changé. Akubadilika kitu. Job était dépouillé. Yobo alivua. Job était éprouvé. Tu bios la pas oublié. Mungu akumsabwe. Un jour Dieu aussi a. Siku moja Mungu naye anasema. Dieu dit à Job, Mwambia Yobo, tiens-toi tranquille. Tulizana sasa. Mon jour arrive. Shiko yangu nafika. Je vais parler. Mita sema sasa. Job 40. Yobo makumi ine na mbili. Dieu a parlé. Wasema. Depuis le verset 40. Tanzia musala ki makumi hine. Dieu descend. Wana shuka. Commence à parler à Job. Anaanza kumwambia kusema na Job. Et au verset 40 Job na Lisons ensemble. Tusome chibote pamoja. Celui qui veut expérimenter la restauration. Unapenda kuonja kurudishwa. Lisons ensemble cette puissante de. Tusome chibote iandikwa uwezo. Lisons. Tusome. Job 42 verset D. Musaka pili. Commençons au verset premier. Qu'est-ce qu'on dit dans Musaka kwanga? Opeli? Tusome. Opeli? Tusome. À haute voix? Na nguvu yote. Job répondit à l'Éternel et dit, lisons ensemble, lisons. Job, tout somme vraiment. Job sortit la voix. Tout somme en nguvu. Job répondit à l'Éternel. Job akamjibu milele. Je reconnais. Sema natambua. Yakomba unaweza yote. Il y a les gens qui ne lisent pas, ils ne vont rien comprendre. Avant elle a quitté la somme. J'ai dit Dieu parle à la fin. Verset 40. Dieu parle 41. Répondit à l'Éternel et dit, lisons cela. Je reconnais que tu peux. Natambua. Ya kwamba unaweza yote. Duku Mungu anaweza yote. Duku Mungu anaweza yote. Anaweza yote. Anaweza kubadilisha maisha yako magharibi. Anaweza kuponya magharibi leo. Anaweza kufanya ajabu magharibi. Ni ule mmoja. Abadilike. Mungu anaweza yote. Ici, apa, c'était la restauration. Ilikuya ni kurudishwa. Job ne restera pas dans la sang. Yobo atabakiriria mu maivu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ni wabari njema juu yako. Tu ne resteras pas pour toujours. Au tabakia kwa lote. Frère, duku. Écoutez. Mushiki. Un seul est éternel. Moya tu wa milele. C'est Dieu. Ni Mungu. Ton amen me dérange. Amen à quoi nous uji. Je répète. Mina sema te. Un seul est éternel. Moi à tout quoi milele. C'est Dieu. Ni Mungu. Ton problème n'est pas éternel. Mambo yako haina milele. Ta maladie n'est pas éternelle. Magonjwa yako haina milele. Les difficultés que tu as. Ina kumbu kunayo haina milele. Tu as commencement. Yote biko na mwisho. Na biote biko na mwisho. Mungu akurudisha leo. Attend de la restitution. Wakati akurudishwa. Je reconnais. Mina tambua. Que toi tu peux. Ya kama wewe Mungu unaweza yote. Frère, crois ça de tout ton cœur. Amini na roho yako yote. Pale wiko unaweza kutoka ichika hii. Ipate kuingia sasa vile banama anasema. Yasema ingia mu moyo. Na ibakirie ndani. Je reconnais. Mimi natambua. Que toi Dieu. Kama wewe Mungu unaweza yote. C'est incompréhensible. Bibi abisikilike. Atoto bali kufa. Les enfants sont décédés. Il a tout perdu. Ali potsa bitubiote. Mais encore dans un jour. Mushiku moya. Tu es ramé. Mungu anarudisha. Job anaangalia Mungu. Job a regardé Dieu. Il a dit hapana, hapana. Hapana. Hapana. Non. Merci. Binanipita. Ça me dépasse. Ali asema elimu moya. C'est merveilleuse mais dépasse. Ya jamani inelipitia. Binanipita. Ça me dépasse. Ni kama yuko mbele. Mimi natambua. Ya kwamba unaweza yote. Dieu lui dit, qui a celui qui a de la folie? Nani kuna bazimu? Nani kuna bazimu? Qui a celui qui a de la folie? Ana wakufanya makusudi yangu pate kuna magiza. Job dit au Seigneur. Kama mwambia Bwana. Oui, j'ai parlé. Sema ndio nisema. Sans le comprendre. Bila kuelewa. Des merveilles. Madame maisha. Qui me dépasse. Il est petit. Et que je ne connais pas. Nami sikujue. Dieu dit à Job, écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai. Tu me suivras. Job dit non. Mon oreille. Mon oreille. Mon oreille. Avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Que cette écriture devienne réalité dans ta vie. Dites amen. Que cette écriture devienne réalité dans ta vie. Si tu as attendu que Jésus guérisse, que Dieu le voit, qu'il te guérisse. Si tu as attendu que Jésus libère, que Dieu le voit, qu'il te libère. Sois libéré. Sois restauré. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Oui, il est bien payé, mais non pas. Mais la kini Mungu akumusabwe. Quelqu'un peut dire Dieu m'a pas oublié. Mutu asema Mungu asinisabwe. Dis ça, Dieu m'a pas oublié. Mungu asinisabwa. Confesse le Dieu m'a pas oublié. Oui, dis ça, Mungu asinisabwa. Comme tu le confesses. Sabro na kini. Qu'il se souvienne de toi. Akukumbuke. Mungu akukumbuke. Qu'il se souvienne de toi. Mungu akukumbuke. Qu'il se souvienne de vous. Akurudishie. Qu'il puisse te restaurer. La Bible dit, il y a sema, verset 10, vous l'éternel, l'éternel, rétablit. Il rétablit dans son état premier. Après avoir prié pour ses amis, écoute, c'est qui? Au fait, ceci, lève ta main droite. Et moi, je lis cette écriture. L'Éternel lui accorda les doubles. Au nom du Seigneur, par cette réunion et la restauration, comme ta main levée, le Dieu qui a restauré Job et qui lui a donné les doubles, que Dieu te les donne. Au nom de Jésus, possède les doubles. Si tu avais une parcelle, tu l'as perdu, tu te donnes 4. Si tu avais un enfant, il est mort, tu ne m'en pas ça. Si tu as perdu quelque chose, que Dieu te restaure. Oh, terminons par cette écriture. Terminons par cette écriture. Quelqu'un peut dire, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Le médecin a déjà échoué. Dieu paie. Dans l'hôpital. Du docteur Jésus. Le docteur Yesu. Il n'y a pas de maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les médecins ont appelé ça. Cancer. N'est-ce pas? Si je viens. Branham dit. Branham Sema. Les démons portent des jolis noms. Ma démon, il ne crame pas de moyens musuri. Dans la prédication de mon ouvrier physique. Ma démon, Kazia, Mwili. Soi le katanga ni abongo kweli. Elimu Dieu ma pepo muhali ya mwili. Il dit ceci. Ansebai. Chaque démon. Kila demona. Chaque maladie. Kila magonjo. Ente démon. Ni demona. Si tu ne sais pas, laisse-moi te dire. Kama ujui acha kwambie. Peu importe, il porte des jolis. Beko na manjina ya mzuri. Cancer. Cancer. Diabète. Diabète. Hernie discale. Hernie discale. Hernie. Hernie. Tuberculose. Tuberculose. Donnez les noms que tu veux. Oui, patiye le manja yoto na juu amagonjo. Demandez-moi si c'est quoi. Onyuliza sema nini? C'est un démon. Ni ma démon. Et Jésus a dit. Na Yesu asema. À mon nom. Mujira nangu. Vous à mon nom. Mujina yangu. Moi à mi, mon nom. Mi à mujira yangu. Vous chassez. Oui, mutafukuza. Tous genoux dans le ciel. Na magoti yote mbi mbingu pa dunia achia dunia. Itaji pika gote. Na mimi yote c'est le Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana. Terminons par cette écriture faire. J'ai prié Dieu qu'il te restaure. Que Dieu te donne un cantique nouveau. Que Dieu te donne un sourire. Que Dieu te fasse rire. Comme il a fait rire Sarah. Ne sois pas triste. Que Dieu te réjouisse. Ce n'est pas tous les jours. C'est le prière, il y a des requêtes. C'est comme une prière d'action, d'action, de grâce. Dieu va le faire. Ngwa tefany. Psaume 115, terminons par là. Zaburi 115, tu m'as dit pas. Non pas nous Seigneur, non pas nous. Je lis déjà. Nous la sommes. Psaume 115 verset 1er. Nous ça qui a quoi ça? Non pas nous Seigneur, non pas nous. Apana sie, apana sie. Apana kwetu Bwana, apana kwetu. Mais à ton nom donne gloire. Lakini kujia la kutusha tukufu. À cause de ta bonté. Kwa ajili ya wema wako. À cause de ta fidélité. Pourquoi les nations disaient-elles? Où est votre Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Lève-toi. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Il a écouté tes prières. Il a écouté tes pleurs. Il t'a permis d'entrer ici. Je peux te parler à quelqu'un. L'erreur que le diable a fait aujourd'hui, c'est de te laisser entrer ici. Amwelewe kitu nafanya nirudilie. Il est encore Satan a fait à Léo. Ni kukuacha ukuya hapa. Hapo hapa. Il y a plus que Salomon. Peko una nashindia Salomon. Il y a plus que Branham. Peko una nashindia Branham. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Peko pale hapa jo kurudisha. Na Satan atarudisha. Ce que Dieu veut. Hemu ataka. C'est ta liberté. Ni uri yako. Ce que Dieu veut. Hemu ataka. C'est ta guérison. Ni matunzo yako. Ce que Dieu veut. C'est ta joie. Ni furaha yako. Ce que Dieu veut. C'est ta sainteté. Ni utakatifu yako. Ce que Dieu veut. Que sa crainte. Boka yake. Habite à toi. Ipate kala ndani yako. Ce que Dieu veut. Que tu l'adores. Usema wewe upate kumwabudu. Avec joie. Na furaha yote. Je ne suis pas convaincu. Mimi sina hatikisho. Que le lit de l'hôpital glorifie Dieu. Jose bitanda hospitali bianza kumtukuza Mungu. Jamais. Hapana. Ça te rend triste. Bitakufanya ufanye huzuni. Tu plais. Unaria. Mais c'est fini. Lakini kunaisha. C'est fini. Unaisha. Jésus est là. Yesu ko hapa. C'est fini. Kunaisha. C'est fini. Kunamalizika. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Le grand jour. Siku mkubwa la muka Mungu atembelea ka mwimbo. Dieu nous a visités. Vois, oh, chantons, chantons, chantons, oh, nous, oh, Papa Mangalibi. Le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Élève ta main vers Dieu. La mort disparaît. La fer tremble. Dieu te ramène. Dieu te restaure. Oh. Même à Cambo, les grands jours célébrés, les saints, oh, et deuxième couplet, que l'obscurité s'affouille. Alléluia. Et là, ta lumière a chassé, chassé, chassé toute incrédulité. Alléluia. Soyez libre. Il ouvrait toutes les prisons ouvertes. Rien n'est éternel. Dieu seul est éternel. Il est ici ce soir pour te délivrer, pour te guérir, pour te franchir, pour te restaurer, pour te donner ce que tu as manqué. Cette maladie va quitter ta vie. Ces problèmes va quitter sa vie. Oui, frère, Jésus est là. Les aveugles de voir, les portés de marcher, les muets pour parler, le cancer soit guéri. Jésus est là. Jésus est là. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. C'est ton jour. C'est aujourd'hui. Déclare-le. Récupère-le. Oh Dieu, écoute la prière de tes enfants. Guéris. Pardon. Affranchi. Libère. Au nom de Jésus. Sœur, tu as beaucoup pleuré, mais Dieu te restaure. Sois restauré. Sois restauré. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit. Oui, frère. Que le ciel s'ouvre. Et que Dieu agisse à ta faveur. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu t'exauce. Le Saint-Esprit est là. Oui, frère. Oui, frère. Reçois la chose. Reçois ce que tu demandes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la chose. Reçois ce que tu demandes. Au nom de Jésus. Que Dieu te touche. Sois guéri. Qui t'a dit? Nani alikwambia? Que tu ne seras pas guéri. Celui qui t'a dit la menti. Ce soir tu quittes ici guéri. Qui t'a dit que ce problème restera problème éternellement? Il t'a menti. Ce soir tu quittes ici avec la solution. Qui t'a dit que tu vas rester locataire, pauvre, maskini? Non. Dieu se souvient de toi. Voilà, kumbuka. Je termine à dire ça. Lève ta main droite. Le Saint-Esprit est là. Lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a fait plaire ne te fera plus plaire. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a fait plaire, c'est la fin de cette histoire. Je déclare au nom de Jésus-Christ. C'est que les médecins ont échoué. Jésus vient de le traiter. Reçois la guérison. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais fatigué, Jésus te donne une nouvelle force. Je vais prier. N'oublie jamais ce jour. Jésus est là. N'oublie jamais ce jour. C'était le jour de ton salut. C'était le jour de ta délivrance. C'était le jour de ta bénédiction. C'était le jour de ta restauration. Alléluia. Bien-aimé Jésus, souviens-toi de cette soeur. Souviens-toi de ses frères. Traite son problème. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il croit à toi. Il t'a fait confiance. Il t'a fait confiance. Car en lui, il perd. Et si tu es ici, si tu es ici, tu veux recevoir le Seigneur comme ton sauveur personnel. Donner ta vie à Jésus. Et être baptisé au nom de Jésus. Avant que je ne donne la dernière prière. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Et nous allons te baptiser au nom de Jésus Christ. Si tu es là. Et tu dis je donne ma vie à Jésus. Et être baptisé au nom de Jésus Christ. Avance ici. Je vois un frère qui vient d'avancer. Si tu es là. Avance aussi. Nous allons te baptiser. Au nom de Jésus Christ. Qui d'autre? Il dit Seigneur, je viens. Je donne ma vie à toi. Oh, oh. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vois une soeur qui avance. Qui est là? Nani kupale? Et il dit Seigneur, je viens. Je donne ma vie à toi. Je ne veux plus rentrer péché. Seigneur, je viens. Qui est là? Nani kupale? Et il dit Jésus, je viens. Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui est là encore? Nani pale? Je vois une autre sœur qui vient. Je vois notre frère qui vient. Je vois notre sœur qui vient. Nani mwingine anakuya? C'est la journée salut. Qui est là encore? Nani pale tena? Avance bien, avance. Karibia, karibia nduku. Chofa kumbe. Qui d'autre? Nani mwingine? Qui est là? Nani mwingine? Il dit Jésus, je viens. Na bwana minakuya. Je viens à toi. Minakuya kwako. Tel que je suis. Je accepte ton nom. On va te baptiser. Au nom de Jésus Christ. Qui est prêt? Mon frère, est-ce que tu es là? Ma soeur, est-ce que tu es là? Pour ces jeunes dans ces âmes ici devant. Est-ce que tu es là? Je vois une autre sœur qui avance. Je vois notre frère qui avance. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui dit Jésus? Unasema Yesu. Je viens. Minakuya. Je viens. Minakuya. Tel que je suis. Paka viniko. Qui est là? Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qui est prêt? Nani ko tayari? Qui est prêt? Nani tayari? Adonner sa vie. Je kutoa maisha yake. C'est mon dernier kilt. Ni demain je rentre. Aujourd'hui c'est ton jour. Même ta guérison là, c'est maintenant. Qui sera le dernier? C'est prenez la fala. C'est au choral. Qui est là? Nani kupale? Elle dit Jésus, je viens. C'est bon, amen, akuya. Je te donne ma vie. Nakupatia maisha yangu. Prends ma vie. Nakutolea maisha yangu. Prends mon âme. Beba nafsi yangu. J'accepte ton nom. Nachika jina lako. J'accepte ton fils. Nachika mtoto yako. Jésus Christ. Yesu Christ. Qui est là? Nani mwingine? Il dit Dieu. Anasema, je suis là. Atasema Mungu ye huyu. On peut louer le Seigneur pour ses âmes. Tuwezi kumsifu Bwana juu ya imani nafsi. On peut acclamer le Seigneur. Tupia mikono juu ya imani. Maintenant écoutez. Je veux prier. Mitaomba. Je veux prier. Mitaomba. Là où tu es. Pale wiko. Reçois seulement. Upoke tu. Toi, reçois seulement. Oui, pokea. Je ne connais pas ta vie. Nishio maisha yako. Je ne connais pas ton problème. Nishio mambo yako. Jésus te connaît. Yesu anakujua. Comme tu es debout. Sabe lo sashi mama. Hey, tu es ton foi. Mungu anakuona. Il voit ton problème. Eno mambo yako. Il est venu te secourir. Anakuwa kusaidia. Quel l'ami fidèle est à nous, sa force à Jésus-Christ. Alléluia, toujours prêt. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Toi qui as créé toutes choses, toi qui as créé les cieux, toi qui as créé la terre, le diable s'est rébellé. il est venu sur la terre. Et il trouble ses frères. Il trouble cette soeur. Tous les démons. Par l'autorité que tu nous as donnée. Je chasse les démons qui dérangent la soeur. Je chasse les démons qui dérangent le frère. On t'appelle sida. Marakuta sida. On t'appelle cancer. Marakuta cancer. On t'appelle gastrite. Marakuta gastrite. Estomacluma, hernie. Stérilité. Utassa. Tu es démon. Uko démon. Ce soir. Naimangaribi. Au nom de Jésus. Je t'ordonne. Mina kwale. Qui te guise. Qui te guise. Toka mwe kani. Qui te go. Toka mwili. Tu es tout puissant. Mungu wa zoyote. Tu as dit. Ulisema. Amen. Ulisema. Amen. Amen. Tu as dit. Ulisema. Amolo. Ujina langu. Fouche ta serre démon. Fouche ma démon. Fouche démon. Ouais démon. Fouche démon. Ouais ma démon. Au nom de Jésus. Ujina Jésus Christ. Sortez. Toka. Sortez. Utoke. Sortez. Utoke. Sortez. Utoke. Tu es tout puissant. Mungu wa zoyote. Que la guérison divine. Matuzo wa kimungu. Que la guérison divine. Matuzo wa kimungu. Soit posée. Upate kuonekana. Dans les frères. Yone kwe ndani ya ma. Dans les sœurs. Tani wa dada. Je te loupe. Mina kusifu baba. De m'avoir écouté. Wa kunisikia. Je te loupe. Nakusifu baba. De m'avoir exaucé. Wa kunijibia. Je te loupe. Nakusifu baba. D'avoir guéri. Wa kutunza. Je te loupe. Nakusifu baba. D'avoir libéré. Wa kuweka huru. Je te loupe. Nakusifu baba. D'avoir restauré. Wa kurudisha. Ce qu'on a perdu. Tu nous as ramené. Wa kurudisha. Au nom de Jésus. Na Yesu Kristo. Tu as dit. Ulisema. Tout ce que vous demanderez à prier, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Nous croyons, on a reçu, on a reçu, et on verra s'accomplir. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci ma. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Sainte Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bénis ton frère. Bariki ndugu yako pembe. Dis-lui tu es béni. Merci mon abarikiwa. Bénis lui. Dis-lui tu es béni. On abarikiwa. Dis-lui tu es béni. On abarikiwa. C'est dada. Patia dada mkono. Patia mtu mmoja. Donne la main à celui qui est à côté de toi. Dis-lui tu es béni. Tu es béni. Là où il y avait la tristesse, il y a la joie. Là où il y avait la maladie, il y a la guérison. Les dieux qui viennent de sauver, c'est ça. C'est le même Dieu qui vient de te guérir. Alléluia. La Bible dit, celui qui pardonne tous nos péchés et qui nous guérit de toutes nos maladies. Restez en paix. Bakem salama. Restez en paix. Bakem katika salama. Je vous aime beaucoup. Mimi penda sana. Maranatha. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.